Ils ont été les premiers. Mais il faudra encore attendre 9 ans avant que le mur, miné par ces pionniers, ne finisse par s'écrouler tout entier. Mais pendant 500 jours, en 1980-81, les Polonais ont pu croire qu'ils avaient gagné, que la brèche qu'ils avaient creusée ne pourrait plus jamais être refermée. 500 jours de liberté et d'euphorie après des décennies de grisaille. Et puis soudain, le retour de bâton et la loi martiale imposée par un général aux lunettes fumées. Mais Wojciech Jaruzelski, en imposant la dictature militaire, n'avait-il pas épargné le pire à son pays? Le pire, c'est-à-dire une intervention des blindés de l'armée rouge, comme à Berlin en 1953, comme à Budapest en 1956 ou à Prague en 1968. La question fait toujours débat. La controverse est d'autant plus brûlante qu'on sait aujourd'hui que, grâce à des informations recueillies à la meilleure source, les leaders syndicaux de Solidarité, mais aussi les puissances occidentales, n'ignoraient rien des desseins les plus secrets des dirigeants communistes. Bref, n'a-t-on pas assisté, de part et d'autre, à une sorte de double jeu? La réponse de M. X, dans un instant. Déjà, dans la première partie de cet entretien, il a décrit la montée en puissance de l'opposition polonaise. Une contestation, en partie orchestrée, au moins au début, par une église catholique aiguillonnée par l'élévation au pontificat de Jean-Paul II, premier pape slave de l'histoire. Mais derrière, il y avait aussi toute une cohorte d'intellectuels et d'ouvriers qui ont courageusement et pacifiquement construit un mouvement unique dans le monde clos de l'ex-empire soviétique. Après la grande grève de Gdansk du mois d'août 1980, l'inimaginable se produit. Le gouvernement communiste polonais accepte d'entamer des négociations avec le comité inter-entreprise de grève. Et la première revendication de cet organisme, c'est la création d'un syndicalisme libre. Et néanmoins, le premier ministre Gierek envoie à Gdansk Jagielski, son adjoint direct. Et c'est le vice-premier ministre. Hein. Oui, c'est ça. Ouais. Et les négociations commencent, mais ça ne se passe pas très très bien. Et pourquoi? D'abord, il faut évoquer la méfiance qui existe de part et d'autre. Méfiance bien normale des grévistes qui ont peur de se faire piéger. Et méfiance du pouvoir, pour qui ces contestataires sont des anticommunistes manipulés par l'Église, le Vatican et bien sûr le monde occidental. Et le climat est d'autant plus tendu que la grève s'est étendue et est devenue quasi générale. Mais vous parlez de l'Église, là. Quelle est réellement sa position? Elle est pour le moins fluctuante, ou au moins hésitante. Enfin, je vous explique. La hiérarchie catholique semble avoir été prise de court par à la fois la soudaineté et l'ampleur du mouvement. À tel point que, dès le début, le primat de Pologne, le cardinal Wyszyński, lance un appel à la modération. Un appel, quoi? À l'adresse des grévistes? Oui, oui. Et dans leur grande majorité, ceux-ci ne comprennent pas. Oui, parce que, dans le passé, le primat a toujours été le fer de lance de la résistance au régime communiste. Il a même été emprisonné dans les années 50, mais il faut aussi dire qu'il a ensuite, parfois, composé avec le pouvoir. Quoi, une sorte de coexistence? Oui, mais enfin, plutôt hostile que pacifique. En tout cas, c'est vrai qu'en août 80, l'Église fait preuve d'une grande prudence. Ça se comprend assez bien. L'épiscopat craint l'émergence d'un mouvement social qu'il ne maîtrise pas. Un mouvement qui pourrait lui faire de la concurrence, quoi. Oui, enfin, d'une certaine façon, oui. Et puis, ce que redoute par-dessus tout l'Église, c'est l'affrontement. Par conséquent, jusqu'à l'établissement de la loi martiale, la hiérarchie catholique, qu'elle le veuille ou non, ne joue pas le rôle prééminent qui a toujours été le sien dans l'opposition au système. Cependant, c'est certain, elle aimerait bien apparaître comme un médiateur. Alors, revenons, si vous le voulez bien, à ces négociations de Gdansk. L'un des points les plus discutés est l'un des dogmes du système communiste, c'est-à-dire le rôle dirigeant du parti. Et le pouvoir voudrait que les nouveaux syndicats, éventuellement, reconnaissent ce rôle. Évidemment. Autre point litigieux, la libération des prisonniers politiques et l'extension d'un éventuel accord à tout le pays, et pas seulement à cette région romande du littoral. Ouais, où se situe Gdansk. Ouais. Alors, sur chacun de ces points, la discussion est rude. D'autant que du côté des grévistes, la base est impatiente et intransigeante. Elle critique même vivement certaines concessions que leurs délégués sont prêts à faire. et Valéza doit user de tout son pouvoir de persuasion pour calmer ses camarades. Et de l'autre côté, ben, il n'y a pas non plus unanimité. Il existe des partisans de la manière forte. Et cela se range derrière le général Jaruzelski, qui est alors ministre de la Défense. Hey, c'est donc très chaud. Hein? Oui, car ces négociations sont inédites dans un pays communiste. Et la menace d'une intervention de l'armée rouge ne cesse de planer au-dessus de Gdansk. Mais enfin, le 31 août, on aboutit à un compromis. Les fameux accords de Gdansk. Hein. Et comme la foule des grévistes a du mal à y croire, Lech Walesa doit leur montrer matériellement le document. Voilà, c'est signé. Si je me souviens bien des images, il était alors accroché à une grille des chantiers. Hein. Oui, comme Edith Piaf à Versailles dans le film de Guitry. Oui. Les accords signés, ben c'est la fin de la grève. Et la reconnaissance pour la première fois d'un syndicat libre. Solidarność. Oui, solidarité. Le nom s'est imposé naturellement, car c'était le titre d'un bulletin diffusé quotidiennement par les grévistes. C'est un échec pour le pouvoir communiste. Incontestablement, hein, ouais. Mais chacun sait bien que les durs n'ont pas dit leur dernier mot. D'ailleurs, le ton est donné le soir même à la télévision où le speaker dénonce les éléments antisociaux. Mais les grévistes, quoi. Quoi qu'il en soit, c'est une véritable fièvre qui s'empare de toute la Pologne. En un tournement, le tout nouveau syndicat Solidarité recueille des millions d'adhésions. Et devient donc une véritable puissance. Il est évident qu'en Pologne, rien ne sera plus comme avant. En même temps, il est certain qu'en face, le pouvoir est déstabilisé. Avant même la signature des accords de Gdansk, le premier ministre Guérec a limogé le tiers des membres du Politburo, l'organe directeur du parti. Les plus conservateurs, j'imagine. Bien entendu. Mais le désarroi a gagné aussi la base du PUP, le Parti communiste. Par centaines de milliers, ses adhérents démissionnent et rejoignent Solidarité. Mais est-ce pour autant l'effondrement du système ? Non, car Moscou veille. Ah, mais Moscou qui doit s'inquiéter. Naturellement, alors, car ce que l'on craint au Kremlin, c'est le risque de contagion. Au sein des autres démocraties populaires. C'est évident. Mais la reprise en main apparaît difficile, sinon impossible. Alors, sous la pression de Moscou, on procède à une sorte de replâtrage. Guérec est éliminé. Est remplacé à la tête du Parti communiste par Stanislas Gania. Ce dirigeant est considéré comme un dur. Il a, par exemple, été partisan de l'utilisation de la manière forte lorsque les premières grèves ont éclaté. Mais une fois au pouvoir, et après les accords de Gdansk, il doit mettre de l'eau dans son vin. C'est-à-dire, hein? Bah, puisque désormais Solidarité existe, bah, il imagine de contrôler le mouvement et d'essayer de le contenir à l'intérieur du système existant. Il y a une évolution semblable à ce qu'aurait voulu faire Alexandre Dubček à Prague. Hein? Oui, mais Kania se rend compte assez vite que la machine est grippée. Au fond, les seules institutions qu'il peut encore contrôler sont la police et l'armée. Mais Kania, comme Guérec avant lui, hésite à répandre le sang. Ah bah il est donc coincé. Mais de l'autre côté, malgré la ferveur populaire qui s'est emparée du pays, on n'est pas moins embarrassé. Expliquez. Non seulement Solidarité doit gérer la pagaille qui règne dans ses rangs, mais le nouveau syndicat, sans cesse poussé par l'impatience de ses adhérents, doit adopter une ligne claire. Alors, que faire, pour reprendre l'expression de Lénine ? C'est ça, oui. À terme, ce qui est en jeu, c'est la disparition pure et simple du système communiste. Mais aller jusque-là, c'est prendre des risques considérables. Et obliger Moscou à intervenir par la force. Une épée de Damoclès toujours plus menaçante. Elle est prête à trancher les têtes des membres de Solidarité. Franchement, non, je ne le pense pas. Alors, quoi ? À Moscou, on blufferait ? Ça, oui. Oui, ça, j'y pense. Mais là-bas aussi, l'unanimité ne règne pas, forcément. En tout cas, ça pose donc un sérieux problème aux dirigeants du syndicat indépendant. Et les plus raisonnables pensent que la meilleure solution, en attendant mieux, c'est le compromis. Et par conséquent, la lutte à l'intérieur du système existant. Bref, au lieu de s'attaquer de front au régime, il serait plus sage de grignoter peu à peu ses prérogatives et d'inventer au fur et à mesure une organisation nouvelle de la société polonaise, en s'abstenant, par exemple, d'aboutir à la transgression fatale. Ouais, c'est le renversement du régime communiste. Oui, un cheminement très délicat. Mais heureusement, les hommes de Solidarité disposent de renseignements très précieux sur ce qui se passe au sein même du pouvoir communiste. Quoi, une taupe ? En effet. un officier de l'ASB, c'est-à-dire le très secret service de sécurité polonais. Jean-Yves Potel, co-auteur d'un ouvrage collectif de référence sur la Pologne, publié en 2007 par Fayard, évoque ainsi les premières conséquences de la signature des accords de Gdansk. Jacek Kuroń, fondateur du COR, Comité de défense des ouvriers, devenu conseiller de Solidarność, décrit le premier processus avec enthousiasme. Dans tout le pays, la société civile s'éveillait. Tout le monde se sentait responsable. Tout le monde voulait faire quelque chose. Des commissions et des comités poussaient comme des champignons après la pluie. Ils étaient créés selon divers schémas et compétences, ce qui devait occasionner pas mal de problèmes par la suite. Ces comités et ces commissions, qui s'enregistraient immédiatement, reconnaissaient certes le rôle dirigeant de Waleza et de Gdansk, mais ils voulaient être entièrement indépendants et ne pas recevoir d'ordres ni d'instructions émanant d'eux. C'est la spécificité d'un mouvement créé par en bas. En revanche, la désintégration du système inquiétait beaucoup les responsables communistes, tels Stanislav Kociolek, premier secrétaire du comité régional du parti à Varsovie. Resté tristement célèbre pour sa responsabilité lors des fusillades de 1970 à Gdansk, il résumait ainsi la situation en mars 1981 lors d'une réunion du bureau politique. À mon sens, il ne fait aucun doute que la pression sur la société est à la limite du supportable et que le pays est sur le point d'exploser s'il ne l'a pas déjà fait. La majorité de la population est en état de soulèvement non armé contre le système politique ou remet en question les structures politiques de l'État et du parti ainsi que leur rôle dirigeant. Et qui était cette taupe alors du service de sécurité? Un nommé Adam Odish, un homme sans histoire et bien noté par ses supérieurs. Cet ancien professeur a gagné les rangs de l'ASB uniquement pour des raisons lucratives. Ah oui, parce qu'il pouvait gagner plus que dans l'enseignement. Exactement. Et comment en est-il arrivé alors à devenir un espion de Solidarité? C'est bien ça, hein? Oui, mais à cause précisément de son nouveau travail. À l'intérieur de l'ASB, il était mieux à même que quiconque d'avoir connaissance des moyens utilisés par son service pour surveiller l'opposition et la réprimer. Il pouvait ainsi avoir accès aux textes interdits par la censure. Ah, d'où sa prise de conscience. Et tout ça a été progressif. En fait, Odish, comme la plupart de ses collègues, j'imagine, n'avait pas envie de se mouiller outre mesure. Mais un jour, à l'occasion d'une enquête, il interroge l'un des futurs dirigeants de Solidarité, Alexander Hall, et un déclic se produit. Et Odish, là, quoi, il est séduit? Oui, Hall lui inspire confiance. Alors, et de fil en aiguille, l'officier va lui livrer des informations sur les activités de son service. Des tuyaux pêchés à la meilleure source. Parallèlement, pour donner le change, Odish se montre impitoyable avec les gens qu'il est chargé d'interroger. Ah oui, forcément. Et ces informations-là, sur quoi portent-elles? Ben, elles sont excessivement précieuses, car elles montrent que le pouvoir triche. Et que voulez-vous dire? Ben, il feint bon gré mal gré de s'accommoder de l'existence de Solidarité. Mais en réalité, assez tôt, il prépare un coup de force. Une cellule spéciale a même été chargée de ce travail. Odish voit ainsi passer des listes de gens internés. Il communique aussi à son informateur des renseignements sur les écoutes téléphoniques ou par exemple sur les longueurs d'onde des radios de la police. C'est donc un auxiliaire très utile. Et je peux vous dire, quitte à anticiper, que l'officier alertera son ami Hall lorsque Jaruzelski mettra en place la loi martiale. Et Hall échappera ainsi à l'arrestation. Ainsi que d'autres camarades qu'il a réussi à prévenir à temps sur la base des informations que lui a fournies sa taupe. Mais si vous voulez, nous reparlerons du capitaine Odish, car il était bien mal récompensé. Ben, marquis. Bon, n'allons pas trop vite, s'il vous plaît. Puis j'évoquerai par la même occasion un autre espion qui, lui, travaillait pour les services occidentaux et qui a joué un rôle notable dans cette affaire. Et à lui non plus, on n'a pas rendu les remerciements qu'il méritait. Bon, écoutez, on ne devient pas un homme de l'ombre dans l'intention d'attendre des remerciements. Ah ben là, vous avez précédé ma pensée. Alors, reprenons. Le début de l'année 1981 est marqué par un net durcissement des rapports entre le pouvoir et Solidarité. Premier signe, en février, Kania nomme Jaruzelski Premier ministre. Jaruzelski, qui était Jusque-là, ministre de la Défense. Oui, et pour tous les observateurs, cela signifie que Kania, le secrétaire général du PUM, ne croit plus à la possibilité d'intégrer Solidarité dans les institutions communistes existantes. Dans le même temps, les membres de cette cellule secrète dont je vous ai parlé s'activent. Il ne s'agit pas encore d'organiser la riposte, mais de tâter l'adversaire, si je puis dire, et de jauger sa réactivité, ce qu'ils appellent une confrontation morcelée. Mais ces actions de provocation, car c'est bien cela qu'il s'agit, sont risquées, car elles peuvent toujours dégénérer. Hein. Et c'est bien ce qui a failli se passer au mois de mars, dans la localité de Bydgoszcz. Ce jour-là, des représentants de Solidarité de la région sont réunis pour une négociation locale. Tout se passe bien jusqu'au moment où la milice, c'est-à-dire la police, surgit dans la salle. Les syndicalistes sont évacués par la force et un délégué de Solidarité est violemment frappé et blessé. Ce qui déclenche évidemment des protestations dans tout le pays. Les représentants de Solidarité mobilisent et on se dirige tout droit vers une nouvelle grève générale. Avec d'éventuelles graves conséquences. Et les dirigeants de Solidarité comprennent qu'il leur faut au plus vite calmer le jeu, car tout le monde s'attend à une véritable insurrection nationale. Lech Walesa, le premier, prend langue avec le gouvernement et un accord de compromis est trouvé à la dernière extrémité. Juste avant l'explosion sociale prévisible. En tout cas, ces incidents marquent un vrai tournant. D'abord, dans une certaine mesure, c'est une sorte de succès pour le pouvoir. Parce qu'à l'occasion, on a constaté que Solidarité était loin d'être aussi unie qu'il y paraissait. Il existait au moins deux tendances, des radicaux et des modérés. Et le régime pouvait éventuellement se servir de cette division. Ben évidemment. Mmh. Ensuite, on a également vu se dessiner une ligne de partage au sein des tenants du régime. Et là encore, entre les durs et les modérés, car derrière cette affaire de Bydgoszcz, il y a une provocation montée de toutes pièces par les partisans de la ligne la plus intransigeante. Et ceux qui veulent en découdre par la force. Et parmi eux, on trouve obligatoirement les militaires et donc le général Jaruzelski, nouveau premier ministre et toujours à la tête de l'armée. Mais tenez, vous parliez de provocation. Là. Bah, une provocation délibérée, oui. Depuis, on a retrouvé un document essentiel, un ordre émanant du ministère de l'Intérieur. Mais il y a encore plus grave. 3 jours avant cette affaire, avec l'approbation du Kremlin et du KGB, Jaruzelski et Kania signent une directive encadrant les divers moyens juridiques et matériels à mettre en œuvre pour déclencher la loi martiale. Et donc le coup d'État militaire. Oui, et quelques jours plus tard, une réunion secrète se tient dans un train à la frontière entre la Pologne et l'URSS, entre ces mêmes hommes et 2 éminents représentants soviétiques, dont le numéro 1 du KGB, Yuri Andropov. Ça veut-il dire que Moscou a décidé de passer à l'action? Non. Non, au Kremlin, où règne encore Léonid Brejnev, on veut au contraire obliger les Polonais à régler la crise par eux-mêmes. Alors, pas d'aide extérieure, ni de la part de l'URSS, ni de la part des pays frères. Hein. C'est la vérité. Mais bien sûr, cela doit rester absolument secret. Ah oui, car en Pologne, on doit toujours croire à l'existence de la menace. Bah, évidemment. Ouais. Et pourquoi cette exceptionnelle prudence soviétique? Les dirigeants soviétiques arguent de la situation internationale. En vérité, ils n'ont pas envie de se mettre de nouveau à dos l'opinion internationale. Surtout à un moment où ils viennent déjà de s'engager militairement en Afghanistan. Et point trop n'en faut. C'est ce qu'on pense au Kremlin. Et c'est un point très important. Jaruzelski et les militaires ne cesseront de faire pression sur les soviétiques. Afin qu'ils interviennent. Oui, mais au fond, est-ce que ça ne traduit pas d'une certaine façon chez Jaruzelski et ses amis une façon de se laver les mains? En laissant la responsabilité de l'intervention et de la répression qui suivra aux soviétiques? Bah oui. C'est très possible. En tout cas, à partir de ce moment, il est clair qu'en Pologne, c'est le clan des militaires qui a pris les commandes. Oui, mais ils mettront encore de longs mois avant de passer à l'action. C'est juste. Mais ils tissent peu à peu leur toile. Enfin, je ne vais pas entrer dans les détails. Pendant, pour simplifier, je dirais qu'ils jouent au chat et à la souris avec Solidarité, soufflant alternativement le froid et le chaud, et exploitant les erreurs de l'adversaire et ses divisions, et essayant de grignoter les acquis des accords de Gdansk. Une guerre d'usure. C'est ça. Ouais. Événement important au cours de l'été 1981. Le syndicat tient son premier congrès. Une occasion supplémentaire d'observer qu'au sein de Solidarité, le fossé grandit entre modérés et radicaux, ces derniers faisant même de la surenchère. Un jeu dangereux. Hein. Et qui ne peut que réjouir le pouvoir. Ainsi cet appel à la libération lancé au peuple de l'Europe de l'Est. Aussitôt, les soviétiques orfèvres en la matière dénoncent cette provocation qualifiée de démentielle. Pas moi. En fait, on a l'impression que le syndicat navigue à l'estime. C'est d'autant plus sensible que la ferveur de l'été 1981 est en partie retombée. Les difficultés de la vie quotidienne, attisées par le pouvoir, ajoutent à cette morosité. Ah, toujours les pénuries ? Oui, oui, cette déception est telle qu'une partie de la population accueillera avec une certaine satisfaction le recours à la loi martiale, avec l'espoir que l'armée remettra un peu d'ordre dans un pays qui part à volo. En attendant, à l'automne 81, Jaruzelski franchit un dernier échelon en devenant le nouveau secrétaire général du parti. Tout en restant Premier ministre. Mm-hmm. Bah, il détient maintenant tous les pouvoirs. Et il peaufine son plan tout en feignant de donner des gages à l'opposition. Il propose par exemple à Solidarité et à l'Église de constituer un front commun pour redresser le pays. Le nouveau primat de Pologne, Joseph Klemp, approuve. Mais la direction de Solidarité, malgré l'insistance de l'épiscopat, refuse cette proposition. Dorénavant, rien ne pourra plus empêcher le coup d'État. Mais tout le monde ne sera pas pris au dépourvu. Surenchère, a dit Monsieur X à propos de l'attitude des délégués les plus radicaux du premier congrès de Solidarité. En témoigne cet extrait du livre de Christian Duplan et Vincent Giret, La vie en rouge, une vaste fresque en deux tomes sur l'Europe de l'Est communiste parue au Seuil. Emporté par la dynamique du congrès, les délégués votent un appel très politique et symbolique aux travailleurs des pays socialistes. Jan Lityński, le plus internationaliste des membres de l'opposition polonaise avec Adam Michnik, a réécrit un texte explosif préparé par quelques militants citant chacun des pays socialistes de l'Albanie au peuple de l'Union soviétique. Solidarité affirme la nécessité d'une libération générale de l'Europe de l'Est et assurent les voisins de leur communauté de destin. Bien que beaucoup de mensonges soient répandus sur nous, nous vous assurons que nous sommes les représentants authentiques des travailleurs de Pologne. Nous soutenons ceux d'entre vous qui ont choisi la route difficile du combat pour des syndicats libres, et nous croyons que nos délégués respectifs pourront bientôt se rencontrer pour échanger leurs expériences. Mazowiecki et Geremek n'ont pas vu le coup venir. Furieux, ils pestent contre cette provocation inutile et puérile à l'égard de l'Union soviétique. Trop tard, une forêt de bras se lève d'un seul mouvement dans la salle, hilar et fier de son mauvais tour. C'est peut-être le moment de vous parler de Richard Kuklinski. Qui est-ce, hein ? Ou plutôt qui était-ce, car il est mort en 2004. Kuklinski, colonel de l'armée polonaise, était un proche de Jaruzelski. Il est même devenu son conseiller, son homme de confiance. Et à ce titre, il était membre du COC, l'acronyme polonais désignant le Conseil de défense nationale. C'est cet organisme qui a préparé dans le plus grand secret le coup de force du mois de décembre 1981. Alors ce Kuklinski connaissait donc tous les détails du plan. D'autant qu'il était aussi l'officier de liaison du maréchal Kulikov, le grand Manitou du pacte de Varsovie. Le soviétique. Hein. Mm-hmm. Pacte de Varsovie, il faut le rappeler, c'est l'alliance militaire des pays d'Europe de l'Est. Oui. Le colonel Kuklinski était par conséquent au cœur du dispositif. Or, depuis 1970, cet officier était un agent de la CIA, une des meilleures recrues à l'est de l'agence états-unienne. Grâce à Kuklinski, la CIA avait accès à la plupart des secrets militaires de l'URSS. Les systèmes d'armes, la stratégie et même les bunkers où devaient se réfugier les dirigeants du pacte de Varsovie en cas de guerre. Et pourquoi Kuklinski la trahissait-il ? Il semble qu'il avait été révulsé par la répression de Gdansk en 1970, mais je ne m'avance pas trop. Les motivations des taupes sont souvent très complexes, et puis il faut tenir compte des données personnelles et spécifiques à chaque individu. Et puis au fond, peu importe. Ce qui compte, c'est que les États-Unis disposaient, avec Kuklinski, d'une fantastique de source d'informations. En particulier sur la Pologne et les intentions de Jaruzelski et de la hiérarchie militaire. Hein. C'est évident, puisque Kuklinski se trouvait aux premières loges. Alors à partir de là, il faut se poser plusieurs questions. Je vous écoute. Hein. À Washington, on a donc bénéficié de renseignements très circonstanciés sur les préparatifs du coup de force de Jaruzelski. en toute logique, puisque les États-Unis soutenaient au moins idéologiquement l'action de solidarité. La CIA aurait dû prévenir ses contacts polonais du mauvais coup qui se préparait. Or, il semble qu'il n'en a rien été, puisque l'instauration de la loi martiale a pris court nombre de dirigeants de solidarité, ce qui a permis à la police de les arrêter immédiatement. Ah, j'imagine que vous avez une explication. À Washington, c'est Ronald Reagan qui occupe alors la Maison Blanche. Reagan qui va se faire le héros de la lutte contre l'Empire du Mal. Oui, c'est l'Empire soviétique pour lui. Alors, en s'abstenant d'alerter solidarité, le président états-unien n'a-t-il pas joué la politique du pire? Quoi, afin de mieux stigmatiser le pouvoir communiste? C'est une hypothèse très crédible. D'accord, mais on peut aussi penser que les Américains ignoraient la date exacte de l'instauration de la loi martiale. C'est une autre possibilité, car Kuklinski et sa famille ont été exfiltrés de Pologne à la fin du mois de novembre. Donc, une dizaine de jours, tout juste, avant le coup de force de Jaruzelski. Ils pouvaient par conséquent ne pas connaître la date exacte. Alors, d'autres questions, si vous le voulez bien? Oui. Et d'abord celle-ci. Il semble que Kuklinski, dans ses messages à la CIA, ait toujours affirmé sa conviction que l'armée rouge interviendrait en Pologne. Or, d'après ce que vous avez dit, il était bien placé pour savoir que Moscou n'avait nulle intention d'envoyer des blindés à Varsovie. Ce qui n'empêchait pas les soviétiques de surveiller la situation polonaise comme du lait sur le feu. Alors, il faut se demander si, dans ce cas précis, Kuklinski n'a pas essayé d'intoxiquer ses amis de la CIA. Oui, mais dans quel but? Obliger, par exemple, le président Reagan à montrer les dents. Reagan qui aurait, au contraire, laissé faire. Tout cela est effectivement troublant. Alors, dernière question. Le Vatican et la CIA entretenaient des relations très étroites. On a même dit que sur la question polonaise, Jean-Paul II avait conclu un pacte secret avec la centrale états-unienne et Ronald Reagan. Le pape a donc lui aussi été informé de l'imminence de l'instauration de la loi martiale. Et lui aussi aurait pu avertir ses compatriotes de solidarité. Afin qu'ils résistent ou disparaissent avant d'être arrêtés. Or, je le répète, nombreux ont été ceux qui ont été pris au piège chez eux dans la nuit du 13 au 14 décembre 1981. Mais il y a eu aussi, heureusement, ceux qui ont été prévenus par l'autre taupe. Odish, l'officier de l'ASB, oui. Ouais. En tout cas, vous l'avez compris, cette affaire est encore très embrouillée. Et je n'ai pu vous donner que quelques pistes de réflexion. Alors, avant de continuer, voyons ce qui est arrivé à Kuklinski. Qui, si je vous ai bien compris, a peut-être mené à double jeu. Et vous avez raison d'insister sur ce point. Car si vous voulez le fond de ma pensée, j'estime que ce colonel, qui a par ailleurs sincèrement et utilement travaillé pour le camp occidental, a peut-être voulu aider son ami Jaruzelski en insistant sur la menace soviétique. Mais attends, c'est compliqué là. Quoi? Afin de le dédouaner? Et d'accréditer cette version qui a fait florès. Jaruzelski, en décrétant la loi martiale, aurait d'abord voulu éviter à son pays une intervention armée de Moscou. Alors pourquoi? Tous ces hommes, les Jaruzelski, les Kuklinski, savaient que le monde communiste était condamné et qu'un jour prochain, ils devraient rendre des comptes. Il fallait donc préparer le terrain et sa défense. Ah, oui. Alors, qu'est devenu Kuklinski? Exfiltré aux États-Unis, il a été condamné à mort par contumace dans son pays. Oui, pour espionnage. Bien sûr. Plus tard, après la chute du régime communiste, Waleza, devenu président de la République, a admis du bout des lèvres que le colonel s'était conduit avec héroïsme. Pourquoi du bout des lèvres? Parce que, a-t-il déclaré, son exemple ne devait surtout pas être imité dans le futur. Une manière de dire que Kuklinski était d'abord un traître. Et c'est ce qu'ont jugé en 1995 les magistrats polonais qui ont commué sa peine en 25 ans de prison. Et ce n'est qu'en 1997 que le parquet a renoncé à toute poursuite contre lui. Ouais, un traître, quoi. Mmh. Et l'autre taupe? Odish a été démasqué en 1984. Emprisonné, il a été libéré en 1988, à la veille du début des grandes négociations de la table ronde. Qui ont scellé, faut le rappeler, la fin du régime communiste. Oui. Libre, Odish a collaboré assez brièvement avec Lech Walesa avant d'être remercié assez rapidement. Et pourquoi alors? Parce que selon Walesa, un homme qui a trahi est susceptible de recommencer. Ah oui, jolie récompense pour un homme qui a quand même rendu de vrais services à Solidarité. C'est vrai, mais Odish, quand il était capitaine de la Sûreté, aurait eu accès à des dossiers délicats. J'hésite un peu à être plus précis parce qu'il ne s'agit que d'une rumeur qui revient régulièrement sur le tapis en Pologne. Et elle est sans doute calomnieuse. D'accord, mais pardonnez-moi, mais vous en avez un peu trop dit, là. Soit. Eh bien, dans sa jeunesse, Walesa n'aurait peut-être pas eu une attitude assez ferme vis-à-vis du régime. Je ne veux pas en dire plus. Alors, la suite à grands traits, l'état de guerre intervient donc le 14 décembre 1981 dans la nuit. Aussitôt, les rafles commencent. Ouais. Et la plupart des leaders de solidarité sont interpellés. Valéza, le premier. Informé, il a préféré rester chez lui. Pour cette gigantesque opération, le pouvoir a mobilisé toutes ses forces militaires et policières. Au total, des centaines de milliers d'hommes. Résultat, au cours de cette première nuit, pas moins de 10 000 membres de Solidarité sont arrêtés, tandis que des dizaines de milliers d'autres citoyens sont appréhendés sans vrai motif. Ah ben, il s'agit de faire peur. Et à la télévision, dans le rôle du grand méchant loup, Jaruzelski est parfait. Lunettes sombres, silhouette rigide, engoncée dans un strict uniforme, le général est à lui seul une caricature de dictateur. Oui, c'est vrai. Et comment réagit le pays, alors ? Des grèves éclatent tout de suite dans les grandes villes et les principaux sites industriels. Mais dans une Pologne désormais cadenassée et coupée du monde extérieur, le pouvoir s'est donné les moyens de répliquer. Blindés, hélicoptères, actions de commando, tout est bon pour faire échec à ces mouvements de protestation. Et Solidarité, malgré ses 10 millions d'adhérents, est condamnée à l'impuissance et ne peut opposer aucune résistance sérieuse. Tant que ses dirigeants sont en prison. Et en 5 jours, l'affaire est réglée, et pratiquement sans effusion de sang. Ah, il y aura quand même des morts, là, dans une mine de Silésie. Oui, des hommes qui se sont retranchés au fond d'un puits, et lorsque les redoutables unités anti-émeutes donnent l'assaut, c'est le drame. 7 mineurs troublent la mort et une trentaine d'autres sont grièvement blessés. Mais ensuite, Solidarité se relèvera. Grâce à tous ses adhérents et à l'émergence de nouveaux dirigeants qui souvent agiront dans la clandestinité, grâce aussi à l'aide occidentale. Ouais, le coup de force a provoqué une grande émotion à l'Ouest. Hein. En effet. Puis à l'Église. Curieusement, alors que pendant les 500 jours de liberté précédant la loi martiale, la société civile s'était peu à peu dissociée de l'Église, celle-ci retrouve une place centrale. Et la deuxième visite de Jean-Paul II dans son pays natal en 1983 n'est pas pour rien dans ce retour d'influence. Mais il faut bien le reconnaître, le général Jaruzelski lui-même n'a pas mal joué. C'est-à-dire ? Mais il a tenu à effacer aussi vite que possible les stigmates de son coup d'État, en mettant fin assez rapidement à la loi martiale ou en élargissant les prisonniers. Et aussi en jouant un rôle très subtil avec l'Église dont le chef Joseph Klemp ne demandait pas mieux que de rétablir des liens plus compréhensifs et courtois avec le pouvoir. En tout cas, la normalisation entreprise par Jaruzelski n'est pas comparable avec celle qui a été mise en œuvre, par exemple, en Tchécoslovaquie après le printemps de Prague. Et ça voudra même, Jaruzelski, de conquérir une popularité nouvelle. Oui, oui, aussi étrange que cela paraisse, l'image du dictateur aux lunettes foncées va peu à peu s'effacer. Grâce à cette légende qu'on va habilement propager, Jaruzelski a protégé la Pologne. Mais vous savez désormais à quoi vous en tenir. À samedi prochain, je vous rappelle le beau livre de Jean-Yves Potel, Scène de grève en Pologne, paru aux éditions Noir sur Blanc. Et vous le savez.